Revenons au verbe porte-manteau müssen. Comment diriez-vous « vous devez voir ça » ? Sie müssen. Bien. Es sehen. Sie müssen es sehen. Et vous n'avez pas besoin de voir cela. Sie brauchen es nicht sehen. Après brauchen, dans cette phrase, il vous faut employer l'infinitif avec zu, ce qui donne Sie brauchen. Sie brauchen es nicht zu sehen. Sie brauchen es nicht zu sehen. Mais j'ai entendu tellement de fois le verbe brauchen sans le zu, en Allemagne comme en Autriche. Il est donc parfaitement possible que vous entendiez Sie brauchen es nicht sehen. Mais en réalité, après brauchen, il faut utiliser zu. Sie brauchen es nicht zu sehen. De la même manière, vous n'avez pas besoin de le faire, se dira Sie brauchen es nicht zu tun. Bien. Sie brauchen es nicht zu tun. Il doit être ici bientôt. Er muss hier bald sein. Oui, mais l'indication de temps doit venir en premier, avant celle de lieu. Ah, d'accord. Er muss bald hier sein. Bien. Er muss bald hier sein. Mais si vous dites er muss hier et que vous pensez ensuite à bald, alors effectivement, vous pouvez dire Er muss hier bald sein. Mais ça revient à insister sur hier. Er muss hier bald sein. Mais on dira plus couramment Er muss bald hier sein. Je devais se dit ich musste. Et je pouvais, ich konnte. Ich konnte. Je voulais se dira ich. Ich wollte. Ich wollte. Oui. Et je devais du verbe müssen. Ich. Ich musste. Ich musste. Et comment diriez-vous? Il devait rester ici car il devait travailler. D'abord, comment dites-vous travailler? Travailler, c'est. Arbeiten. En effet, arbeiten. Et comment diriez-vous? Il devait rester ici car il devait travailler. Er musste hier bleiben. Er musste hier bleiben. Car il devait travailler. Denn er musste. Er musste. Arbeiten. Er musste hier bleiben. Denn er musste arbeiten. Oui. Et si on remplace car, denn, par parce que, weil. Weil er arbeiten musste. Bien. Weil er arbeiten musste.